Chapitre 26. Le cri du peuple a reparu. Demandez le cri du peuple par Jacques Ventras. Il est 2 heures de l'après-midi. Et déjà, 80 000 pages se sont envolées de l'imprimerie sur cette place et sur les faubourgs. Demandez le cri du peuple par Jacques Ventras. On n'entend que cela, et le marchand n'y peut suffire. Voulez-vous mon dernier, citoyen? Pour vous, ce sera 2 sous, fait-il en riant. Vrai, ça les vaut. Voyons. 26 mars. Quelle journée! Ce soleil tiède et clair qui dort la gueule des canons, cette odeur de bouquet, le frisson des drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe, tranquille et belle comme une rivière bleue, ses tressaillements, ses lueurs, ses fanfares de cuivre, ses reflets de bronze, ses flambées d'espoir, ce parfum d'honneur. Il y a là de quoi griser d'orgueil et de joie l'armée victorieuse des républicains. Ô grand Paris, lâche que nous étions, nous parlions déjà de te quitter et de nous éloigner de tes faubourgs qu'on croyait morts. Pardon, patrie de l'honneur, cité du salut, bivouac de la révolution. Quoi qu'il arrive, dussions-nous être de nouveau vaincus et mourir demain, notre génération est consolée. Nous sommes payés de 20 ans de défaites et d'angoisses. Clairons, sonnez dans le vent. Tambour, battez au champ. Embrasse-moi, camarade, qui a comme toi les cheveux gris. Et toi, marmot, qui joue aux billes derrière la barricade, viens que je t'embrasse aussi. Le 17 mars, te l'as sauvé belle, gamin. Tu pouvais, comme nous, grandir dans le brouillard, patauger dans la boue, rouler dans le sang, crever de honte, d'avoir l'indicible douleur des déshonorés. C'est fini, nous avons saigné et pleuré pour toi, tu recueilleras notre héritage. Fils des désespérés, tu seras un homme libre. J'ai du bonheur pour mon argent. Par-dessus mon épaule, 1 ou 2 fédérés essaient de lire, en disant d'un air entendu, il a tout de même le fil, ce sacré Ventras. Vous ne trouvez pas, citoyen? Je ressens une ivresse profonde, perdue dans cette multitude qui me jette aux oreilles tout ce qu'elle pense de moi. Ma réserve, quand on frappe sur le journal en disant « Est-ce tapé, là, voyons ?» me vaut même, de la part des enthousiastes qui me trouvent tiède, des mous de colère et aussi des bourrades sournoises qui me cassent les côtes mais me rapiècent le cœur. Il me semble qu'il n'est plus à moi ce cœur qu'ont écorché tant de laides blessures et que c'est l'âme même de la foule qui maintenant emplit et gonfle ma poitrine. Oh, il faudrait que la mort vînt me prendre, qu'une balle me tuât dans cet épanouissement de la résurrection. Je mourrais aujourd'hui en pleine revanche. Et qui sait ce que demain la lutte va faire de moi? Jadis, mon obscurité masquait de noir mes faiblesses d'inconnu. Maintenant, le peuple va me regarder à travers les lignes qui, comme les veines de ma pensée, courent sur la feuille de papier gris. Si ma veine est pauvre, si j'ai le sang bleu, mieux valaient les coups de pied de vache de la misère, les portions à 4 sous, les faux cols en carton, les humiliations innombrables. On avait, au moins, une âpre jouissance à se sentir le plus fort dans le pays de la détresse, à être, pour pas trop cher de vaillance et parce qu'on avait appris du latin, le grand homme de la gueuserie sombre. Et voilà qu'à 7 heures d'évasion, je me trouve comme tout nu devant 500 000 de braves gens qui ont pris les armes pour être libres et pour qu'on ne crevât plus de faim, malgré le travail ou faute de travail. Tu as crevé de faim, Ventras, et tu as presque chômé pendant 15 ans. Tu as dû alors, pendant les moments durs, Tu as dû songer aux remèdes contre la famine et ruminer les articles frais d'un code de justice humaine. Qu'apportes-tu de nouveau du fond de ta jeunesse affreuse? Réponds, pauvre d'hier. J'ai à répondre en montrant mes poignets cerclés de bleu et ma langue tuméfiée par les coups de ciseaux de la censure impériale. Réfléchir, étudier. Quand? L'Empire tombé, le Prussien est venu. Le Prussien, Trochu, Fabre, Chaudet, le 31 octobre, le 22 janvier. On avait assez à faire de ne pas mourir de froid ou d'inanition et de tenir en joue la défense nationale tout en tenant tête à l'ennemi. Toujours sur la brèche, aux aguets ou en avant. Allez donc peser les théories sociales quand ils tombent de ces grêlons de fer dans le plateau de la balance.